Yeah, c'est moi, Moudouz Dominil, well pointé pour 2000 sons. L'Est de Quinry, aïe, rappeur universel, monte les décibels. Y'a quoi, y'a qui ici? Fais comment, c'est fait. XL Zymix, gars, faut que ça fête froisse les MC qui capent pas. Ici, j'aime, sache qu'on est tous prêts depuis des années de triple zéro. Ouais, mec, tu sais, c'est pas ton année. Les Timex, gars, faut que ça fête froisse les MC qui capent pas. Ici, j'aime, sache qu'on est tous prêts depuis des années de triple zéro. En fait, je sais que c'est mon année. Hip hop français, je prends du poids comme un sumo. Feeling 50 rap sans cesse, baisse au micro. Comme toi, je veux du baisse, donc laisse faire l'expert. Pour une bouffe d'oxygène si tu manques d'air. Mon sens propage de bouche en bouche comme l'hépatite B. Contagieux comme la peste. Comme le poison devient danger, je lâche lèche. Chacun qui suce mon son comme des choux, pas choups, j'ai pas mes smics, j'ai pas d'un shaker. J'suis pas un ours, mais j'prends du poil de la bête. Quand j'touche le micro, les fois MC font la tête. Say FLX, c'est mon style, écoute ça comme le seul. Je me shine, il me rime comme émeraude autour des pitrodes. Moi j'en fais mon taf pendant que toi tu suis la mode. Un modèle, j'veux être pour les autres. FLX, une fois de plus pour tous les lots. C'est MX, mon gars, 2000 c'est mon année. FLX pour que mon douce sera comme ça, c'est rappeur d'élite.